Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le MAC sur Radioactive, votre rendez-vous d'info locale et citoyenne. Aujourd'hui, on pousse la porte du café associatif La Belle Poule à Amboise, un lieu convivial, solidaire, ancré dans son territoire et surtout un lieu d'initiative. Et parmi ces initiatives, une retient particulièrement notre attention, c'est le projet Femmes de Touraine, un projet porté par Joëlle Defoin, que nous avons le plaisir de recevoir au micro aujourd'hui. Bonjour Joëlle. Bonjour Marlène, bonjour Lisa. Alors derrière ce titre, il y a une envie forte, c'est de mettre en lumière des parcours de femmes du territoire, leurs histoires, leurs engagements, leurs défis, et créer un espace de parole, d'écoute et de mémoire collective. Alors Joëlle, vous êtes aujourd'hui présente avec nous pour nous parler de ce projet, bien sûr. Comment est-ce qu'elle est née, cette idée ? Alors cette idée est née en 2024, lors d'une AG du café associatif La Belle Poule. Je ne peux pas vous dire comment cette idée m'est venue à ce moment-là, mais elle est venue et je l'ai proposée à l'AG. Ça a été accepté. À partir de là, il ne restait plus qu'à agir, à faire. Donc ce projet, nous l'avons monté avec un petit groupe issu de La Belle Poule. Nous l'avons présenté à la mairie d'Amboise, à la ville d'Amboise, pardon. Et nous nous sommes présentés au budget participatif de la ville. Nous avons eu la chance d'être lauréats. Donc nous avons un soutien non seulement psychologique, d'écoute, etc., mais également financier. Et oui. Ce qui nous permet de créer des événements. Enfin, ce sont essentiellement des conférences. Et de faire tout cela gratuitement. Voilà. Et alors, quand vous dites, je ne sais pas d'où m'est venue l'idée, mais il doit y avoir un attachement personnel de votre part à la cause des femmes, on imagine. Bien sûr, bien sûr. Sans me dire féministe au sens où on l'entend aujourd'hui, oui. Où j'irai tout le temps dans la rue, etc. Ce n'est pas ma façon de fonctionner. Mais effectivement, le rôle des femmes, tout au long de l'histoire, tout au long des siècles, et également actuellement, m'a toujours intéressée. Je ne me suis jamais sentie, même toute petite, inférieure aux garçons, enfin inférieure aux hommes. Et je ne comprenais pas vraiment pourquoi il y a toujours une mainmise sur les femmes, pourquoi il y a tant de petites filles qui choisissent les matières scientifiques. Enfin, toutes ces sortes de questions qui se posent régulièrement, je ne suis pas la seule à me la poser. Et donc je me suis toujours intéressée à cela. Et finalement, cette proposition m'est arrivée comme ça, peut-être comme une conclusion de mes réflexions. Et donc, je suis ravie de pouvoir travailler de manière condensée et pas exhaustive, mais enfin assez importante sur ce thème. Alors, qu'est-ce que vous cherchez à réaliser comme objectif en mettant en place ce projet ? Est-ce que c'est de transmettre, d'avoir une meilleure visibilité sur la condition féminine ? Il y a un peu de tout. Alors effectivement, transmettre, parce que quand on s'intéresse à un sujet, on finit par avoir plein d'idées, qui sont justes ou pas, mais on y réfléchit, etc. Et on découvre aussi des choses par les lectures, par des rencontres, et c'est bien de transmettre ce qu'on a dit. Si vous voulez, c'est un petit peu l'histoire du petit colibri. Vous la connaissez, cette histoire Allez-y, du petit colibri ? Allez-y, parce qu'on adore vous entendre nous raconter. Le petit colibri est en Amazonie, il y a un grand incendie dans l'Amazonie. Et donc il fait des allers-retours jusqu'à l'océan, il ramène une petite goutte d'eau et il la fait tomber sur l'incendie. À un moment donné, un cormoran lui dit « Dis donc, tu crois vraiment pas que tu vas éteindre l'incendie ?» Et il répond « Non, mais je prends ma part. » Le fait de prendre sa part, chacun à la place où il est, avec ses capacités, permet justement d'organiser un groupe de plus en plus large où tout le monde va participer et où on va penser finalement au plus grand bien du plus grand nombre. Pas à l'épuisement qu'on a soi-même, comme le petit colibri qui fait ses allers-retours, mais la possibilité de participer à une œuvre plus importante que soi-même. Voilà, en gros. Alors on a hâte de connaître le programme. C'est un projet qui a déjà démarré. Oui. Il y a déjà des rendez-vous qui ont eu lieu. Est-ce que vous pouvez nous le présenter dans sa globalité ? Oui. Parce qu'évidemment, c'est loin d'être fini. Non, puisque ça va jusqu'en décembre. Et oui. Alors, nous avons commencé le 1er mars sur le thème des Algériennes du château d'Amboise. Alors, on a commencé par ça parce qu'on a voulu commencer par Amboise, puisque voilà, nous sommes à Amboise. Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'on n'a rien trouvé sur ces femmes. C'est vrai. Rien, à part quelques lignes, à part un livre plus imaginatif que vraiment scientifique. Avec très très peu de choses, nous avons essayé de faire ce que nous pouvions. Et c'est vrai que c'était un peu frustrant d'entendre toujours plus parler d'Abdelkader que des Algériennes qui l'entouraient. Mais le simple fait de parler d'elles et de dire qu'elles aussi étaient prisonnières en France avec Abdelkader, ça les réhabilite. Ça les rend visibles. Bien sûr. Et je trouve que c'est important malgré tout, même si on n'a pas vraiment d'éléments. Et ce n'était pas faute d'en chercher. On est allé en chercher jusqu'à Pau, où le Abdelkader est passé à Pau. On est allé en chercher partout, partout, aux archives départementales. Enfin, je ne me souviens même plus. Mais enfin, bref, nous n'avons rien trouvé de plus que quelques éléments qu'on a pu présenter. Mais bon, donc voilà. Mais au moins, ça corrobore le point de départ qui est de dire les femmes sont effacées. Bah, effectivement, là, c'est on ne peut plus clair. Voilà. La deuxième conférence a eu lieu le 25 avril. C'était sur les résistantes. Évidemment, autour du 8 mai, il fallait parler des résistantes. Et là, Sylvie Pouliquen, qui est une écrivaine connue, qui vit en Touraine d'ailleurs, oui, écrivaine et historienne, a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches et a pu présenter les résistantes de Touraine, quelques exemples, enfin même pas mal d'exemples, et elle m'avait expliqué que, en fait, elle lisait des livres, parfois elle trouvait deux lignes dans un livre, elle les notait, puis trois lignes dans un autre, et puis elle est allée aux archives à Vincennes, etc., et à force de piocher à droite à gauche, a pu rassembler beaucoup d'informations sur ces femmes. Et moi, ce qui m'a particulièrement frappée sur cette conférence, c'est que ces femmes qui ont été résistantes au même titre que les autres, n'étaient pas que agents de liaison. Il y en avait, bien sûr, mais il y avait aussi des femmes qui allaient poser des bombes sous des trains, etc., enfin, qui ont œuvré comme les hommes. À la fin de la guerre, elles sont toutes retournées au foyer. Les hommes ont repris leur place de chefs de famille, de patrons, d'agriculteurs, de peu importe. Et les femmes sont sorties et des usines, et des champs, et de leur activité. Ça veut dire que le patriarcat était encore bien implanté. Mais, comme pour les Algériennes, on parle d'elles, et on dit qu'elles ont fait un sacré boulot. Et ça, déjà, c'est très bien. La prochaine conférence, c'est vendredi prochain. Alors, vendredi prochain, le thème, c'est Ménie Grégoire. Parce qu'effectivement, on ne parle pas que des femmes inconnues, on parle aussi de femmes plus connues. Et là, c'est Madame de Balmorche, qui est présidente du Cercle Ambassia, qui va intervenir. Alors, non pas en tant que présidente du Cercle Ambassia, mais en tant qu'ancienne conservatrice aux archives départementales d'Indre-et-Loire. Parce que Ménie Grégoire, qui avait une maison à Rochecorbon, a cédé toutes ses archives aux archives départementales d'Indre-et-Loire. Et ça a permis à Madame de Balmorche de bien la connaître et de constater que c'était une femme d'une moderne... Enfin, si, on l'a tous constaté, que c'était une femme d'une grande modernité. Oui. Mais elle insiste aussi sur trois choses, je pense. La première, c'est que c'était la première fois que des interventions se faisaient en direct à la radio. La deuxième, c'est qu'elle a œuvré pour le droit des femmes au sens large du terme. Pas que... Parce qu'on retient plus ses interventions sur la sexualité féminine, mais ce n'était qu'un des points qu'elle abordait. Et la troisième chose, c'était l'étendue de son influence. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, on dit beaucoup, la parole se libère et c'est très bien. Mais elle a déjà, elle, œuvré en ce sens. Elle a déjà, elle, fait parler des femmes. Et donc, Madame de Balmorche va nous présenter ce personnage hors du commun, malgré tout, qui est connu, mais qui vaut la peine d'être plus connu. Oui. Voilà. Dont on disait qu'elle était la voix, d'ailleurs, la plus connue de l'Hexagone. La plus écoutée. Oui, absolument, tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est vendredi prochain. J'en profite pour dire que c'est à la Maison des Associations à Amboise à 18h. Nous serons donc le 27. Le 27 juin, absolument. À 18h à la Maison des Associations. Ensuite, nous allons faire une pause d'été. Bien méritée, parce que tout ça, ça se prépare. Absolument. En septembre, nous parlerons encore de femmes connues, enfin relativement connues, les Dames de Chenonceau. Alors là, nous allons le faire sous un format particulier. Nous allons à Chenonceau avec une guide conférencière qui s'appelle Camille Gondalma, qui va nous parler de ces dames de Chenonceau. Et là, il y a quelques surprises, je pense, qui nous sont réservées parce que j'ai commencé un peu à lire certaines choses et j'étais stupéfaite par des découvertes concernant, par exemple, Catherine de Médicis, qui finalement avait un peu plus de cœur qu'on ne peut le dire. Bon, ça, c'est Camille qui en parlera. Ce sera fin septembre. Ensuite, le 7 novembre, avec l'association Pays Loire-Touraine, nous allons présenter le monde du travail au féminin. Pour terminer en décembre, avec la femme du futur. Et j'ai envie de dire la femme du futur et l'homme du futur, parce que l'un sans l'autre, ça ne va pas. Nous avions un projet, j'y reviens un peu, parce que lorsqu'on a présenté les Algériennes du château d'Amboise, nous avions le projet d'aller au jardin du souvenir, qu'on appelle jardin d'Orient, au château d'Amboise. Oui. Mais il y a eu le problème du mur qui s'est effondré. Donc, nous n'excluons pas, un jour, avec Jean-Louis Sureau, d'y aller, alors soit directement au jardin d'Orient s'il est réparé, soit sous un autre format, mais reparler de cette époque où on aura peut-être un peu plus d'éléments que nous n'avons pu avoir encore lors de la première conférence. Et puis nous terminerons tout ça avec un pot de l'amitié. Eh ben, c'est un super programme. Oui. C'est un très très beau programme qui met en valeur la femme sous tous ses aspects. Je reviens sur l'aspect recherche. Donc, vous disiez tout à l'heure, on a cité évidemment la ville d'Amboise qui a été partenaire, un soutien financier, un soutien moral aussi dans tout ça. Est-ce que vous avez eu des échanges, notamment, on pense forcément à Guillaume Métayer qui est le responsable patrimoine. Oui, absolument. Grâce à lui, nous avons pu avoir la salle des mariages pour la conférence Les Algériens du château d'Amboise, parce qu'elle était dans son jus, et c'est là que se tenait la garde, les soldats en charge de la garde d'Abdelkader et de Sassmala. Anne-Telle Morin, oui. Voilà, bien sûr, des contacts avec Lionel Chisson, évidemment, qui a tout de suite soutenu ce projet et nous a tout le temps aidés pour nous mettre à disposition des salles ou autres. Et puis avec Emma Delière, qui, elle, est la responsable du budget participatif, et je dois dire que l'écoute et la gentillesse de toutes ces personnes de la ville, tout au long d'ailleurs de ce projet, m'a vraiment beaucoup touchée. Et voilà, j'en suis ravie, je pense qu'il faut le dire. Quel accueil ont reçu les premiers rendez-vous ? C'est une très belle question. La première conférence, nous étions 80. Waouh ! Et plein de gens n'ont pas pu rentrer. Donc c'était la première sur les Algériennes du château d'Amboise. Donc c'était très impressionnant de voir arriver tant de monde dans la salle des mariages qui théoriquement ne peut contenir que 50-60 personnes. Mais voilà, donc en même temps, c'est un beau succès et au moins on sent que ce thème intéresse. Et il n'y avait pas que des femmes, il y avait beaucoup d'hommes aussi. Et ça aussi, c'est important de souligner. La deuxième conférence, alors là, c'était un peu plus compliqué, entre guillemets, parce qu'il y avait parallèlement, le même jour, à la même heure, trois autres événements sur Amboise. Nous n'étions plus que, entre guillemets, 42. Mais 42 personnes qui choisissent de venir à cette conférence, c'est déjà extrêmement bien. Bon, on verra par la suite, mais c'est sûr qu'au vu de ce qui se passe réellement, mais aussi dans des conversations avec diverses personnes par hasard, qu'on rencontre par hasard, il y a tout de suite un accord de principe sur le thème. Et bon, ben, je dois vous dire que je suis quand même très, très contente d'avoir eu cette idée. Bah, puis vous pouvez vous en féliciter. Oui, ça. Donc, on a bien compris que les rendez-vous s'échelonnaient jusqu'au mois de décembre. Vous imaginez une suite à tout ça ? Parce qu'on vous sent tellement investie, on vous sent tellement partie prenante de ce projet qu'on se dit, mais après le mois de décembre, Joël, qu'est-ce qu'elle va faire ? Oh, vous inquiétez pas. Non, à titre personnel, il n'y a pas de souci. Je ne me pose pas cette question réellement, quoi ensuite ? Parce que j'ai un mode de fonctionnement qui est peut-être particulier, c'est que lorsque je prends un projet en main, je suis focus sur le projet. Et après, on verra. On verra. Toute ma vie est ponctuée de rencontres, comme la vie de tout un chacun, d'ailleurs pas que la mienne, mais ces rencontres débouchent toujours sur quelque chose. Et je laisse faire la vie, et on verra. C'est une très belle réponse. Sur quoi vous aimeriez que ça débouche, tout ce cycle de conférences et d'actions autour des femmes de Touraine? Alors, à très court terme, je suis lucide, il ne va pas y avoir des changements fondamentaux. Si ce n'est que l'histoire du petit colibri, absolument. Ça peut quand même devenir des histoires de beaucoup de petits colibris. Le but, comme je vous l'ai dit au début, c'est de transmettre, et puis le but final à terme, mais quand, je n'en sais rien car je ne suis pas voyante, le but final, c'est lorsque l'homme et la femme auront eu la même éducation, la même instruction, lorsqu'ils vont se reconnaître mutuellement égaux dans la créativité de l'esprit et du cœur, alors nous atteindrons l'équilibre entre tout ce qui est masculin et tout ce qui est féminin. Il n'y aura plus de rivalité, il n'y aura plus de patriarcat, il n'y aura pas de matriarcat, il y aura juste l'équilibre et la volonté ensemble d'apporter toutes leurs valeurs, toutes leurs forces, toute leur créativité dans un projet qui est le plus grand bien du plus grand nombre. Bravo, merci beaucoup Joël pour ce bel échange et puis surtout cette initiative qui donne la parole aux femmes de Touraine dans toute leur richesse, leur diversité et puis leur force. Eh bien, on rappelle que le café associatif de la Belle Poule à Amboise est un lieu ouvert à toutes et tous hein, et que vous Absolument. Pouvez y rencontrer l'équipe, échanger, boire un café et pourquoi pas contribuer au projet si vous avez une histoire à raconter. Et si vous souhaitez en savoir plus, eh bien rendez-vous sur les réseaux de la Belle Poule notamment ou alors tout simplement vous pouvez aller pousser la porte. Merci beaucoup Joël. Merci à vous. Je vous propose qu'on se quitte en musique avec un titre que vous avez choisi. Et puis, on se retrouve très bientôt. À bientôt. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon. Et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Entre l'ancien et le nouveau, votre lutte à tous les niveaux de la nôtre est indivisible. Dans les hommes qui font les lois, si les uns chantent par ma voix, d'autres décrètent par la Bible. Le poète a toujours raison, qui détruit l'ancienne oraison, l'image d'Ève et de la pomme. Face aux vieilles malédictions, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Pour accoucher sans la souffrance, pour le contrôle des naissances, il a fallu des millénaires. Si nous sortons du Moyen-Âge, vos siècles d'infini servage pèsent encore lourd sur la terre. Le poète a toujours raison, qui annonce la floraison d'autres amours en son royaume. Remet à l'endroit la chanson et déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Il faudra réapprendre à vivre, ensemble écrire un nouveau livre, redécouvrir tous les possibles, chaque chose enfin partagée, tout dans le couple va changer d'une manière irréversible. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume.